celui qui s'est fait niquer, c'est sous et son shit. Tu es un bandeur de gadi, un gros bandeur de gadi. Tu es un bandeur de gadi, ouais, un gros bandeur de gadi. Tu es un bandeur de gadi, un gros bandeur de gadi. Tu es un bandeur de gadi, ouais, un gros bandeur de gadi. Il aime trop les girls, c'est un BDG. Il te laissera tout seul, c'est un BDG. Elle a mis dedans, c'est une folle, il croit que c'est sa femme. Il y a sorti un AMG, il y a fait faire les magasins, elle est au temple asine, elle a trouvé le pigeon parfait. Le resto, la suite, le mot est que jacuzzi, c'est la meilleure nuit qu'elle ait passée. Elle va se casser, elle veut pas ken, elle veut se faire masser. En allant te prendre d'abord, y'a deux loups qui l'ont chassé. J'crois que de toi elle s'est lassée, dans ton dos son humeur a passé. Et le nom elle a modifié, il s'appelait Tony, elle a mis Alizé. Elle parle à tout le monde, elle veut se montrer sur le net. Toi t'es love d'elle, tu fais le con, c'est pas toi son mec. Qu'est-ce que tu fais, tu uses tes sous, et quand t'en auras plus, elle s'en ira, tu la verras plus. T'as fait le BDG, tu t'es fait piéger, elle t'a fléché. Ah ça y est, maintenant j'existe, t'es un gros BDG. Maintenant tu m'appelles le con, tu te fais chier. Il est où le BG, celui qui s'est fait niquer, ses sous et son shit. T'es un bandeur de gadi, un gros bandeur de gadi. T'es un bandeur de gadi, ouais, un gros bandeur de gadi. T'es un bandeur de gadi, un gros bandeur de gadi. T'es un bandeur de gadi, ouais, un gros bandeur de gadi. Tu mets des plaques à chez elle, elle coupe en traître, elle revend. Et toi comme un con, j'accuse le gérant. Pour ta folle tu sors la guitare, pour tes potos tu sors la flûte. T'oublies tes frères au mitard, normal qu'ils attendent ta chute. Tiens gros BDG, tu m'as dit que tu rentrais. Ça t'a cramé, avec ta folle en tête. Elle t'a dit je suis à la maison, mais elle t'a lobé. Pendant que toi t'étais au charbon, à deux doigts de te faire soulever. T'oublies tout le monde, t'es mauvais. Ça y est, t'as fait des lobés. Ça y est, tu roules en gros monstre. Avec elle, t'aimerais te sauver. Et s'il y a plus rien pour elle, elle trouvera quelqu'un à cash. Parce que malgré tout, elle est fraîche. Elle est fraîche. Parce que malgré tout, elle est fraîche. Oh, elle est fraîche. Parce que malgré tout, elle est fraîche. T'as fait le BDG, tu t'es fait piéger. Elle t'a fléché. Ah, ça y est, maintenant j'existe. Tiens gros BDG, maintenant tu m'appelles le con, tu te fais chier. Il est où le BG, celui qui s'est fait niquer, ses sous et son shit. Tiens un bandeur de gadi, un gros bandeur de gadi. Tiens un bandeur de gadi, ouais, un gros bandeur de gadi. Tiens un bandeur de gadi, un gros bandeur de gadi. Tiens un bandeur